Chapitre 6e. Hé, Erboan, que regardez-vous donc ainsi au loin ? Le jeune homme tressaillit de la tête aux pieds, et devenu très pâle à cette voix chère, il se tourna vers Anaïk, qui l'examinait moqueusement. N'avez-vous jamais vu le vol capricieux des mouettes ? Que vous êtes en extase devant elle ? Reprit la jeune fille. Je vous appelais trois fois, sans obtenir de réponse, et je commençais à regarder d'un mauvais œil ces beaux oiseaux qui vous absorbaient tant à mes dépens. Elle eut un long sourire, qui découvrit ses petites dents blanches et retroussa délicieusement les coins de sa bouche. Cependant, elle remarqua l'attitude embarrassée de son amie. « Mais qu'avez-vous ? Pourquoi votre figure est-elle empreinte d'une telle désolation ? Quel malheur nous menace que vous n'osez me regarder ?» Les questions sortaient pressées de ses lèvres tremblantes, et à mesure qu'elle les prononçait, elle sentait son cœur se serrer dans l'appréhension d'un malheur. « Parlez, Erboan, votre silence m'épouvante. Je vais vous causer de la peine. Vous rendre bien malheureuse, ma pauvre amie Anaïk, répondit-elle enfin avec effort. « Tant que vous m'aimerez, je ne serai jamais malheureuse, » dit-elle doucement, en se rapprochant de lui. Un éclair de détresse passa dans les prunelles bleues d'Erboan. « C'est justement de notre amour qu'il s'agit, » fit-il à mi-voix. Soudain angoissé, Anaïk se pencha plus encore vers le jeune pêcheur. « Eh bien ? » demanda-t-elle. « Tout doit finir entre nous, Anaïk. Je reprends ma parole et je vous rends la vôtre. Notre beau rêve est mort à jamais. Je ne vous aime plus. » Il essayait de l'affermir sa voix et de rester maître de lui, mais en voyant la jeune fille pâlir et chanceler à ses paroles, il s'avança vers elle pour la soutenir. « Anaïk, je mens, je vous aime, je vous aimerai toujours. Pardon de vous causer tant de peine, mon ami, il le faut. » Elle le regardait de ses grands yeux dilatés par un immense chagrin. « Il le faut ? » répéta-t-elle comme dans un songe. « Il le faut. Oh, Erboan, dites-moi que je rêve, que je serai votre femme. » Les bras d'Erboan qui entouraient la taille souple de l'orpheline desserrèrent leur étreinte et retombèrent le long du corps dans un geste d'impuissance et de découragement. « Vous ne serez pas ma femme, Anaïk, mais je vous jure que jamais aucune autre ne le sera. » La jeune fille s'étourdit les mains avec désespoir. « Pourquoi ? » demanda-t-elle. « Je n'ai pas démérité de vous, moi. J'ai le droit de savoir pourquoi vous me rejetez comme un objet qui a cessé de plaire. » « Vous n'avez ni démérité, ni cessé de plaire. Notre amour est maudit à cause des malheureux qu'il fait. À cause de votre frère, n'est-ce pas ? » fit-elle véhémente, en retrouvant subitement toute son énergie. « C'est lui, le lâche, qui vous oblige à la trahison envers moi, et c'est vous, vous, Erboan, qui acceptez un pareil rôle ?»« Il se serait tué, » fit-il sourdement, « et sa mort eût atteint nos parents. Je ne pouvais pas assumer la responsabilité de tant de malheurs. Si ma vie suffisait pour faire le bonheur à tous, ah, que je la donnerais volontiers, pour ce qu'elle vaut maintenant. » Il eut un geste de farouche indifférence pour ce qui le concernait, lui, et croisant les bras, il resta immobile, la tête baissée sur sa poitrine. Le ton de découragement dont il avait parlé était si manifeste qu'un frisson secoua Anaïk. Elle redouta un autre malheur, et se dominant, elle essaya de le réconforter. « L'avenir sera meilleur que vous ne le croyez, mon ami. J'ai foi en lui. Il y aura encore de beaux jours. Quant à moi, je vous attendrai autant qu'il le faudra, toute la vie même, si cela est nécessaire, sans jamais vous parler, si vous l'exigez. » Il hocha mélancoliquement la tête. « Il faudrait plus encore, » murmura-t-il. « Quoi donc ? Devenir la femme de Yann. » Elle se redressa, frémissante. « Vous êtes fou ? Vous accepteriez cela, vous ? Je m'en irai, » répondit-il faiblement, les yeux fixés au large, sur la grande mer bleue, dont le remous perpétuel semblait le fasciner. L'exaltation de la jeune fille tomba à cette simple phrase de son ami. Ils se turent un long moment, tous deux absorbés dans leurs sombres pensées. À la fin, Anaïk ramassa sa hôte qu'elle avait déposée à terre au début de l'entretien, et l'on assujettit les sangles autour de ses épaules. « Je vais continuer ma tournée. Vous n'avez plus rien à me dire ?»« Non, rien. Tout est fini alors. Tout. » Elle restait devant lui, ne pouvant se décider à partir sur ces seuls mots, mais comme Erboan se taisait, et qu'il évitait même de la regarder, elle essuya ses yeux encore humides. « Au revoir, Erboan. Au revoir, Anaïk. » Elle s'éloigna toute désemparée. Le jeune pêcheur resta debout, ne tournant même pas la tête pour la suivre du regard. Seulement, Quand le bruit de ses pas ne fut plus perceptible, il se jeta à terre tout de surlon et sanglota éperdument, le corps tout secoué. « Oh Dieu ! » s'écria-t-il, « je souffre horriblement, et personne ne comprend l'étendue de ma souffrance, personne ne me plaint ni ne m'approuve, comme la mort serait douce dans un pareil moment. »